es plus haut, bien plus haut que moi. Et pouvoir te dire d'un souffle de voix, ici je vais bien, je suis mon destin. Mais à chaque pas, tu es près de moi, je n'oublie rien. Trouver dans mon cœur les mots les plus beaux, qu'un instant il t'effleure. Par là-haut, ici je vais bien, je suis mon destin, mais à chaque pas, tu es près de moi, je n'oublie rien. Suis-moi toujours, ici je vais bien, je suis mon destin, mais à chaque pas, tu es près de moi, je n'oublie pas. Je n'oublierai jamais rien.